Je ne voudrais pas, pour plaire aux jeunes imberbes, me reconvertir dans le métal de merde. Il n'y a que pour toi que je ferai n'importe quoi. Ma fleur, mon chat. Jolie Lola, je ne voudrais pas me percer les oreilles ou me tatouer du ventre jusqu'aux orteils. Il n'y a que pour toi que que je ferai n'importe quoi, ma fleur.